sur la tête. Get in. Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. J'ai 30 années qu'on te fait. Ah, dis maman. Mon père fait une boulette au bonheur, et puis toi, là, ma mère, une petite rapine. Quand j'ai regardé quand j'arrive, c'est quand que t'en fais une boulette. T'en prends mal. Dis maman, c'est une gueule. Vive le genre! Vive le bas! Vive le genre! Et voilà, c'est notre trame sonore d'ouverture d'émission. Quelque chose de blindé que tout le monde fredonne dans la rue tout le temps, tout le temps, tout le temps, toujours. Bonsoir Simon-Pierre Bilodeau. Simon-Pierre Bilodeau, un de mes idoles, et puis qui côtoie en fait un autre de mes idoles. On parle de André Ducharme. Tu as l'idole facile. J'ai l'idole facile, oui. Je les collectionne. Sinon, j'ai Joe Sakic puis Hubert Reeves. C'est assez bon. OK, puis sinon, il y a le squad d'ABO, celui de Sans Limite, là. Je pourrais faire le tour, là, mais... Et que dire du nain de Fantasy Island? Non. T'as raté de quoi? Bon, ben, c'est bon. Ah, oui, comment il s'appelle? Eh ben, c'est l'île fantastique, c'est ouais, ça? Oui, ben, c'est ça. Attends, parce que dans Fantasy à l'une, je ne me rappelle pas de son nom, dans James Bond, il joue dans un James Bond. C'est celui de l'allié de l'homme au pistolet d'or. Exactement. Son vrai nom, c'est Hervé Villechaise. Son nom. Et voilà. Hey, toi, t'es taillé sur mesure pour 70%. Ça me fait plaisir. Parce que aujourd'hui, comme d'habitude, on a bien sûr notre invité André G. Ducharme. Oh. On a des nouvelles. Simon, t'as l'air d'un Simon qui veut parler. Tout à fait. On a un comic de la semaine également, Dinesh D'Souza, qui ne donne pas sa place. Toi, tu nous as amené une bouse cette semaine? J'ai amené une sapristi de grosses bouses collantes, comme à notre habitude ici à 70%. Tu vas voir, André, tu vas être super impressionné. Mais nous, ben, en fait, moi plutôt, je suis un spécialiste de l'underground, du cinéma mauvais, au point où j'ai écrit un livre et puis j'ai inventé un système de notation qui va de 10 à moins 10. Présentement, je vous parle de Dernier Assaut. Un Dernier Assaut qui est un film qui s'éloigne beaucoup du zéro, qui est la neutralité absolue, mais qui ne peut pas avoir moins 10, parce que moins 10, c'est comme le douteux absolu, quelque chose qui a une valeur de réécoute infinie. Dernier Assaut, donc, moins 9. Nous sommes, ben, on est déjà rendu, on va commencer par ça, c'est la nouvelle formule. Je vais vous parler de Strike Commando, version française, Dernier Assaut. Donc, Michael Ransom, j'adore son nom, Michael Ransom. Mm-hmm. Tu sais, c'était taillé sur mesure pour être huilé, celui-là. Est le meilleur des meilleurs des meilleurs de l'unité spéciale des commandos d'élite de l'armée la plus puissante du monde. Lors d'une mission en territoire Vietcong, il se fait oublier profondément en zone ennemie par ses supérieurs qui s'avéreront plus tard, et sans surprise, être véreux. Là, il sera sauvé par un village de pauvres opprimés et il rencontrera Lao, un simili-demi-lune au cerveau caramélisé. En bon héros américain, Ransom, interprété par le superbe acteur italien Reb Brown, prend sur lui de sauver tout le monde. On s'en doute, le sauvetage ne se passera pas comme prévu, à cause notamment du vilain communiste Jacques Audin. Jacques Audin, ouais, c'est ça son nom. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la première séquence d'extrait mauvais de la semaine, et puis on va vous revenir ici à 70% avec André Ducharme. J'ai hâte, il va me le présenter à ma mère, ça va être excellent. Ils sont tous crevés. Ce sont les risques du métier, Harriman. Mais il leur restait encore une minute. La mission avant tout. N'oubliez jamais ça, Major. Votre commando a fait du bon boulot. On n'est pas prêt d'oublier ces hommes. Ils étaient des héros. Arrêtez, c'est un Américain, c'est un sauveur! American! Approchez-vous de lui! Vous êtes américain? Vous êtes notre sauveur. Alors tue-le, ce prisonnier. De grâce. Non. C'est un ennemi, il faut le tuer. Ça suffit. Il est notre prisonnier. Tuez-le. C'est un ennemi, alors il faut le détruire. Il est votre ennemi, soit. Mais c'est inutile de le tuer puisqu'il est prisonnier. Pourquoi voulez-vous que je tue un homme désarmé à bout portant? Parce que la chienlit doit être détruite. Cet homme est un démon, et on n'a pas besoin de démons comme prisonnier. Il est aussi ton ennemi américain. Lui n'hésiterait pas à te tuer. Il est le diable. Allez, vas-y, l'américain, tue-le. Non! Vas-y. Ah, lorsque la femme que je désire ne veut pas que j'écoute 70% en lui faisant l'amour, eh bien, je mets mon baladeur. Et voilà, on est de retour à 70%. Écoute, en écoutant surtout le dernier extrait, qui est assez superbe. C'est de beauté, hein? Oui, j'ai eu une pensée pour Téléfilm Canada, que je remercie. Car grâce à nos fonctionnaires canadiens, des films comme ça ne se font pas ici. Ça passe pas le test. Un scénario comme ça ne se rend pas à l'écran. Ouais, dans le sens qu'il n'y a pas de budget de gaspiller non, pour des bouses comme ça. Non, regarde, ils se rendent pas là. Effectivement. Alors. Effectivement, le CRTC, je veux dire, on... des fois, il nous fait chier, là. Mais il faut quand même fois, remercier nous nos bons fonctionnaires canadiens. Et voilà, je pensais pas entendre ça de la bouche d'un des gars d'un BO. Ça fait longtemps que je dis n'importe quoi. Fait que Simon, qu'est-ce qu'on fait? On commence avec des questions ou ben non, tu veux nous faire sentir ton tour de bras? Choisir le premier, ça. Oui, on y va avec André. André, regarde comment on va procéder. On a trois blocs de questions. Okay. Le premier bloc, c'est un bloc de questions qui sont plus personnelles, qui sont portées sur toi. Après une chanson, on va revenir avec des questions sur RBO. Puis après une autre chanson, on va revenir avec un bloc dont on va on dire, le nom. On va dire de quoi ça parle plus tard parce que on veut que tu restes. Ça commence bien. OK. OK, c'est le bloc que tu t'en vas si tu le sais. Oui. Dis-moi, André, est-ce que tu te considères comme étant un leader? Blah. Ça dépend où, ça dépend quand. Je dirais que quand je suis seul avec moi-même, je suis pas mal leader, merci. Oui. Oui, oui. Je m'écoute beaucoup. Et dis-moi, c'est tous les gars dans Rock et Belles Oreilles ont une initiale entre le nom et le prénom. Oui. André G du Charme. C'est pourquoi le G, c'est pour Gaston ou George? Ou Gilles? Tu ris? Non, ou Gaétan? Un, c'est pour faire un jeu de mots épais qui m'est resté collé. Heureusement, je m'en suis débarrassé depuis. Je l'utilise plus l'initiale. Mais effectivement, Gaston, c'est drôle parce qu'à un moment donné, il fallait s'inscrire dans un, je pense, une affaire. La je viens socan, de la poignée. La socan pour les... Oui, G du Charme. C'était ça, la joke. Et c'est ça, il fallait s'inscrire à la socan pour nos chansons, pour avoir nos droits d'auteur et tout ça. Puis c'est Bruno Landry qui s'est occupé des inscriptions. Là, il avait demandé le G, qu'est-ce que ça veut dire? Et il avait dit Gaston. Alors, à la socan, je m'appelle André Gaston du Charme. Oh, voilà! On est tombé direct dessus. Exactement. Hein? On pensait être impertinent facile et pourtant. Eh bien non, on vous êtes une impertinence insoupçonnée. Tout à fait. Tommy, question pertinente, je t'en ai une. Ben moi, en fait, je me demande. Quand j'ai su que André Ducharme était pour venir à l'émission, je me suis dit, il faut absolument que je le sache. Quelle est ta couleur préférée? Moi, je suis assez dans le bleu. Ouais. Puis, est-ce que tu penses que c'est utile d'avoir un dinosaure préféré? Moi, je pense que oui. Le mien étant celui qui avait mangé le gros assis symbole dans Jurassic Park. On parle du Tyrannosaurus Rex, finalement. Et voilà, dents de 20 cm. Une machine à tuer, ça. Oui. Là. Très impressionnant. Pendant que Simon pose la prochaine question, on avait dit sur ce disque-là, c'est la toune 2. Ah oui! Oui, la 2, oui. OK. C'est beau. Ça, c'est ma niaiserie. C'est ça que tu m'avais dit d'apporter une niaiserie? C'est totalement ça, parce que chaque invité ici est invité à amener une niaiserie, tandis que Simon pose la prochaine question. André, je voulais savoir, quelle participation à quelque projet que ce soit tu regrettes le plus? Non, je ne suis pas un regretteux, moi. Ah non? Non, je ne suis pas un regretteux. J'ai une philosophie qui veut que même quand tu es épais et que tu te trompes, ça fait partie de l'apprentissage, car tu ne refais jamais deux fois les mêmes erreurs. Mais j'ai fait une annonce de céréales avec Michel Louvain qui était pas prêt. Hey, ça nous l'apprend. Non, c'est ça, je suis content de voir ça. Je sais même pas c'est où, honnêtement. C'était pas Al Brun? Non, c'est pas celle-là. Celle-là, je l'ai aimée. C'était les Cheerios givrés, qui n'existent plus d'ailleurs. Oh boy. Et il y avait Michel Louvain et Sonia Benezra là-dedans, et moi. Qu'est-ce que tu faisais là? OK. un substantiel cachet. Non, mais c'est qu'on m'a... Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a une idée de pub avec Sonia Benezra, Michel Louvain et toi. Et juste ça, j'ai dit oui, il faut que je fasse ça. Ben là. Je veux pas, même pas voir le texte. Ben là. Et c'est ça, c'est qu'on apparaissait chacun notre tour, puis le slogan était « Pas moyen de leur fermer la boîte ». Alors, Michel Louvain, parce qu'il chantait mal. Sonia Benezra, parce qu'elle avait, j'imagine, une voix désagréable. Et moi, parce que j'étais un petit baveux. Et voilà. Donc, les trois, pas moyen. Exactement. Et les Cheerios givrés, je parie qu'ils réussissaient, eux, à te fermer la trappe. Ça goûtait les, tu sais, les marshmallow Rice Krispies, là. Ouais. Ça goûtait ça. Un petit peu trop de sucre. Hein? Un petit peu. Un petit peu, surtout le matin, là. Écoute, j'en ai eu une pelle gratis et je n'ai pas utilisé mes coupons. Oh, ça veut dire que t'es peut-être un des. Ah non, OK, c'est des coupons pour les. Acheter. Ouais, c'est ça, je pouvais les avoir. J'en ai eu deux boîtes, puis je me suis un petit peu tanné. C'était trop sucré pour moi. Bon, voilà. Ouais. C'est excellent comme réponse. Ça peut faire un lien. Est-ce que je peux la demander, Simon? J'ai vraiment hâte de la demander. Oui, vas-y, Tommy. Est-ce que t'as un chien, André? J'en ai deux. Il s'appelle comment? C'est drôle parce que c'est des noms qui ont un peu rapport avec moi. Il y en a un qui s'appelle... Il s'appelle Guy et Yves. Non, excuse-moi. C'est ça. Non, ça aurait été pas pire, ça. Puce et petit. Pourquoi ils ont rapport à toi? Ben parce que je suis petit. OK. Mais la joke là-dedans, puis je sais pas comment ça fait, moi j'ai toujours voulu avoir les gros chiens. Ah, il y a deux chiens. Les gros chiens. Là, on a un labrador. OK, ça vient gros, ça. OK, et un bouvier bernois. Ça aussi, ça vient gros. Ben, ils sont pas gros. Mon labrador, il est petit, il pèse 55 livres, puis mon bouvier bernois pèse 50 livres, c'est supposé peser le double. C'est ça, fait que moi, t'es comme contagieux. Moi, je suis dans un environnement où c'est impossible de grandir. Il y a vraiment quelque chose de fucké. Excellent, on a André Ducharme à cœur ouvert ici ben avec oui, c'est nous. Comme ça. Simon, tu poursuis avec des questions. Oui, dis-moi André, c'est lequel ton humoriste ou ton comédien préféré? Ben, c'est Yvon Deschamps. Ah, oh, ouais. C'est une niaise même. C'est là. Quoi, je trouve pas ça drôle. Il est bon, hein. Ben, moi, je trouve qu'il est bon. Je trouve qu'il est bon, je trouve qu'il est fin. Je trouve qu'il est important. Ouais, ben, en fait, c'est peut-être heureux pour les humoristes d'aujourd'hui que Yvon Deschamps décide de garder ses patins raccrochés, en fait, parce qu'il y a quand même un quotient de pertinence assez, assez élevé popé, tout le temps. Sauf que ouais. C'est un de ceux qui est le plus habile pour dire des affaires élevées. Et réussir à les faire passer. Les faire passer, ça c'est vrai. C'est un gros talent, ça, en humour. Oui. Et c'est un talent qui se perd parce que c'est de plus en plus difficile pour les humoristes de faire ça, d'être vraiment crunché, d'être baveux. On a parlé de beaucoup. De la cabane. Ouais. Et lui, il est encore capable de faire ça. Fait que ça, je trouve ça le fun. On avait parlé avec Pierre Brassard de ça, puis il revenait souvent avec le fait que la société est un petit peu plus politically correcte de nos jours. Donc, il faut tout le temps tenir en compte des choses qui sont pas nécessairement à tenir en compte quand on veut faire des blagues pour tout le monde. Ben, il y a ça. Il y a le fait que les diffuseurs sont peut-être un peu plus peureux qu'ils l'étaient. Chatouilleux. La contestation est beaucoup plus facile et beaucoup plus organisée. Entre autres, à cause de l'Internet. C'est niaiseux à dire, mais c'est très, très facile pour du monde de se plaindre par l'Internet, d'envoyer des courriels de plainte. Puis ben, il y a des réseaux organisés. Moi, je reviens d'un an au Danemark, et puis là-bas, il y a eu l'affaire des dessins. Je me demandais d'où tu revenais. Je te regardais, lui, il revient quelque part. Il revient quelque part, voilà. Et puis, ben c'est ça, là-bas, les dessins sont sortis. Les dessins qui ont causé de la merde là, sont sortis au mois d'octobre. Oui. Et puis, la merde a explosé au mois de janvier parce que, justement, ça s'était diffusé sur Internet. Non, c'est ça. Voilà. Alors, puis nous autres, on le vit beaucoup. Moi, je le vis beaucoup avec Tout le monde en parle parce que Tout le monde en parle. C'est une émission sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Et des fois, tu fais une petite niaiserie de rien, là, puis tu vas recevoir 25 courriels de plainte. Écoute, la semaine passée, je vais vous confier quelque chose. À un moment donné, on a annoncé que Diane, la fille qui apporte le vin, la régisseur, était enceinte. Et là, Guy, pour faire une joke, il regarde le bedon, il dit « Coudonc, qu'est-ce que t'as? T'es-tu constipé? » Puis elle dit « Ben non, je suis enceinte. » C'est une joke niaiseuse. Voilà. Okay? Voilà. Un déluge de plaintes. C'est sûr. Dont certaines personnes qui ont dit « C'est parce que le fœtus, il entend quand on y parle. » Alors, vous avez traumatisé le fœtus de cette madame-là qui part mal dans la vie parce que lui, ce qu'il a entendu, c'est qu'il représentait une constipation. Puis là, il sait c'est quoi une constipation, le fœtus. Fait que là, il a déduit tout d'un coup qu'il était aussi bien mal parti. Non seulement un fœtus s'entend, ce qui est quand même exceptionnel, mais deux, ça comprend le français. C'est ça! Et les concepts, et les... Ah, en tout cas... T'as juste envie de répondre, ben j'espère que s'il entend, il a apprécié l'émission. Ouais, c'est ça, là. Hey, voyons donc. Génial. courir après le trouble. Là. C'est une petite anecdote parfaitement 70%. C'est, ouais, t'es à la bonne place, André, vraiment. Là, t'es à la bonne place. Une petite dernière avant qu'on demande à notre invité de présenter sa toune. Je te laisse y aller, Tommy. Bon, ben, André Ducharme, j'ai mis la 2 du disque que toi-même t'as fait. Ouais. J'ai entendu le mot de Jacques Chevalier tantôt. Ouais, j'ai piraté moi-même ma propre toune. Non, ben, je vous ai apporté. Puis c'est drôle parce que moi, j'étudiais à l'UQAM ici, puis il m'est arrivé des belles affaires quand j'étudiais ici. Entre autres, j'ai rencontré ma gang de Rock et Belles Oreilles à un coin de rue d'ici, alors que je faisais un show. Parce qu'avant d'être dans Rock et Belles Oreilles, j'étais dans un groupe d'humour qui faisait de la musique, qui s'appelait les Yellow Frogs. Les Yellow Frogs. Pourquoi ça s'appelait de même, je ne sais pas. Et là-dedans, il y avait Jacques Chevalier, Longueuil, qui est devenu un bleu poudre par la suite. Et puis on faisait des tunes. Puis cette tune-là, on l'a écrite. J'avais 15 ans et c'est un enregistrement original, c'est-à-dire c'est une toune qui n'est pas faite par Rock et Belles Oreilles, parce que vous l'avez connue par Rock et Belles Oreilles, et faite par les Yellow Frogs, et c'est cette version-là qui a fait en sorte que Rock et Belles Oreilles m'a demandé d'embarquer dans Rock et Belles Oreilles, puis ça s'appelle Le Feu Sauvage de l'amour, mais version pré-Rock et Belles Oreilles. Oldies, là, vraiment. C'est du pas genuine. Très bon, soyez prévenus. C'est correct. On est vintage ici. De toute façon, 70%, c'est la moyenne générale. C'est la note de passage. Bon, on donne le strict minimum. Je suis pas sûr que ça a ça. Bon, on écoute ça, puis on vous revient avec une nouvelle. Simon, tu nous la gardes au chaud? Tout à fait. On est à 70%, nulle part ailleurs. À tantôt, tout le monde. D'un endroit où il y a Donald Duck et Mickey qui ont leur maison. Ah oui, c'est ouais. Disneyland. Ah, tu sais, le père François, il m'a aussi raconté qu'il faut un mois pour tout voir. Oui, c'est exact. Le pop-corn et les friandises poussent sur les arbres. Ah. Oh. Et les enfants ont le droit de manger tout ce qu'ils veulent. C'est vrai? Oui, c'est un endroit où les rêves deviennent réalité, car les enfants peuvent tout demander au génie qui est dans la lampe merveilleuse. Il leur dit, je suis ton serviteur, petit maître. Commande et alors je t'obéirai. Oh, dis, l'Américain, je voudrais vrai que tu m'emmènes. Là-haut, retourne te coucher, ça suffit maintenant. Il m'a promis qu'il m'emmènerait avec lui. Au début de l'émission, je vous ai montré la liste des titres qui est en tendance haussière qui continue à monter. Ben, c'est la même liste que j'ai à mon écran, là. Et si je la mets à jour, là, avec les cotes en temps réel, là, toute la liste au complet. Ting, ting, ting, ting, tout ça, c'est la dernière cote qu'on voit à l'écran. Ben, on peut voir, regardez, il y en a qui montaient, mais qui ne montent plus. Donc, il montait un peu, mais là, il descend d'une scène. Mais il n'est plus en train de monter. Là, il montait, lui, il montait, il descend d'une scène. Et lui, il montait, mais là, il descend 9 cents. C'est le cas de YM Bioscience. Une scène. Et puis donc, je vais parler un petit peu encore des séquences qu'on a entendues qui viennent bien sûr de Dernier Assaut, notre beau moins neuf d'aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est une de mes marbres préférées. T'sais, on a vu environ 500 qu'on a répertorié, qu'on a donné des notes et tout et tout. Et puis, au travers de ça, il y en a une qui se démarque, c'est vraiment Dernier Assaut. Deadly Prey, pardon. Et puis, ben, chacun autour de ceux qui sont fans, on a notre préféré. Mais moi, Dernier Assaut, c'est vraiment ma préférée. Dernier Assaut, donc, un scénario standard de film de guerre du Vietnam, de vengeance personnelle, de tireurs Vietcong pourris, contrôlant coulisses par des Russes stéréotypés et franchement cave. Dernier Assaut est un bijou du genre. Innovateur d'une certaine façon, ce film de 1987 brise les barrières en recyclant de A à Z le scénario d'un film hollywoodien ayant fait ses preuves. Vous l'avez peut-être deviné, je veux parler de Rambo 2, le très infect Rambo 2. Et oui, Dernier Assaut est un remake philippino-italien bas de gamme de Rambo 2 qui volait déjà pas ben ben haut. Même séquence de torture sur un sommier de lit électrocuté, on s'en rappelle. Même prétexte stupide pour envoyer le héros dans la jungle, c'est-à-dire prendre des photos. Tout comme dans Rambo 2, le héros promet un deuxième rôle extrêmement facultatif de le ramener en Amérique. On vient de l'entendre, c'est là-haut le petit jeune au cerveau caramélisé. Et s'aperçoit à la fin que le boss des méchants est celui qui lui donne des ordres. En fait, écouter Dernier Assaut et Rambo 2 un après l'autre, c'est une excellente façon de débuter l'exploration du douteux audiovisuel, cette chère facette de la création que j'essaie de vous convaincre à aimer un petit peu chaque semaine. De ce chef d'œuvre à moins neuf, donc, j'ai sorti quelques 5 minutes d'extrait. On les a déjà commencés. La prochaine fois, vous allez entendre la rage de notre acteur Reb Brown exploser envers Jakoda, le très méchant soviétique. Aïe, aïe, aïe. Simon-Pierre, une nouvelle? Oui, oui, tu te rappelles d'un certain comique de la semaine? Ben, qui est passé tout récemment, qui enfin a mis Sinon. Du calme dans Rock le rouge. Denis, Rock Denis. Oui, en effet. Alors, la firme, on apprenait que la firme de notation de crédit Moody's Investor Service annonçait dans un communiqué aux investisseurs qu'elle avait abaissé à la fin décembre 2006 la cote de l'UQAM qui passait de A2 à BAA1. BAA1. Ouais, c'est en bas, c'est undergraded. Okay. Alors, Moody's place également l'UQAM sous révision en vue d'une réévaluation de sa cote. Deux aspects particuliers devaient retenir l'attention de Moody's, les coûts supplémentaires liés au parachèvement du complexe des sciences, qui était de l'ordre de 40 millions, et une réévaluation des prévisions de rentabilité du projet de l'îlot voyageur qui est ici à la station Berry-UQAM. Ben oui, on est en plein dedans. Alors, bon, il y a des emails qui se promènent présentement à l'UQAM qui disent que Mme Monique Goyette a le plaisir de nous annoncer que le comité exécutif, lors de sa réunion du 23 janvier, a approuvé la nomination de Mme Christine Pouliot à titre de directrice du projet de l'îlot voyageur à compter du 24 janvier. Puis Moody's, comment ils ont répliqué? Attends, ils ont dit qu'ils s'en foutaient. Ouais, pas mal. Alors, Mme Pouliot détient un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projets d'ingénierie et d'aménagement, ainsi qu'un baccalauréat en architecture de l'Université de Montréal. Ouais, mais ça sert à rien des baccalauréats. Ah, de l'Université de Montréal. C'est tout. C'est OK, ça. Ils l'ont fait ailleurs. Ça va mieux savoir gérer. C'est une belle graine, ça, avec Denis. Il a mis, en fait, c'est quoi? C'est environ 146 millions de dollars. Non, c'est pas ça. En fait, OK, il y a plusieurs choses, OK, dont on n'a pas fait totalement la lumière sur. Oh, on est là-dessus, on est là-dessus. Alors, ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a 40 millions qui a eu de dépassement de coûts okay. dans la construction du complexe des sciences, et puis 66 millions de dollars qui est, de manque à gagner. Okay. Il prévoyait faire ces recettes-là, ils sont pas arrivés. Donc, alors, on est à 106 millions de trous. C'est à peu près ça pourquoi on est allé dehors manifester il y a environ 2 ans, les étudiants. Exactement. De la belle, belle graine. Yeah! Yeah! Oui, c'est ça. Travaillons pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que je pars une petite séquence d'extrait puis on revient poser des questions juste après? Je vous l'ai demandé, mais c'était pour la forme. On va écouter une petite séquence d'un film que tout le monde connaît. Vous allez voir, c'est particulier. Ce soir, je savais pas trop ce qui m'attendait. Je sentais que des tas de gens m'haïssaient. Mais je savais pas comment il fallait prendre ça, alors je crois que dans le doute, je vous ai haï aussi. Я думаю, что я не любил их тоже. Au cours du match, il y a des tas de choses qui ont changé. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. J'ai vu ce que vous ressentiez pour moi et ce que moi je ressentais pour vous. И я почувствовал, что вы тоже изменились. Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que 20 millions. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Alors vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, я думаю, что каждый тоже изменится. Et que vous avez changé, вы можете измениться. Tout le monde peut arriver à changer. Каждый может измениться. Trame sonore de Castlevania, on va déborder vers des questions envers André Ducharme, notre invité. Plaisir. Oh yes! On est rendu au volet RBO, hein? On connaît maintenant Puce et Petit, les deux chiens de... Oui. De Monsieur Ducharme. Hey, je suis super content, un Bouvier puis un Labrador! Yes sir. Colin. Mais format réduit. Oui. Ouais. Ouais. Peut-être que les deux ensemble, ça vaut un Bouvier ou un Labrador. Un Labernois? C'est ça, t'as déjà pensé à ça, les toi? Les chiens de Mira. Non, c'est deux femelles opérées. Il n'y a pas moyen de... Ouais, ça prendrait une intervention pas mal divine là-dessus. Oui, prendrait un scénario de film philippin. Italo-philippin. Ouais, excusez, j'ai oublié le Italo. Il y a de quoi faire. Ouais, c'est ouais. En Italie qu'ils vont chercher leur superstar et puis voilà. Ils tournent ça aux Philippines parce que la technique coûte moins cher. Bloc RBO? Ça va faire mal. Ouais, des questions. C'est ben toi qui as la première question, Tony. En fait, maintenant que le gros est moins gros, que le beau est bien moins beau, que le maigre est moins maigre, que le moustachu s'est rasé la moustache, est-ce que tu as des plans d'être moins petit? Impossible. Je suis le seul qui est resté fidèle à la vieille tradition. Oui, exactement. Ben, pour ça, moi, je vais te faire un... Thank you. Merci beaucoup. Excellent, excellent. Pareil comme Metallica, ils ont dit, ils changeront jamais. Ouais, ça, ouais. Ils ont dit ça juste avant le Black Album. Ouais, c'est ça. Dis-moi, André, ok, bon, question un petit peu bitch comme ça. On voudrait savoir, c'est qui là, qui était le moins utile dans le groupe? Oh, une bonne question. Ben, je vais te dire que c'est moi, comme ça, je me mettrai pas dans le marbre. C'est autre que André. C'est de toute beauté. Voilà. Puis même en plus, tu gagnes un capital sympathie envers les ex-collègues. Ça, on appelle ça un leader. Ouais, les gens me prennent en pitié, tout ça. Et ça va peut-être m'aider quand je vais cruiser dans un bar de Laval. Déjà le plan de match. Est-ce que t'es allé au Dog? Hein, non. Non. Je suis pas sorteux, moi. Non. Non, ben, premièrement, je suis un gars sécure de se faire demander ses cartes. Fait que je préférais rester à la maison et J'ai déjà croisé des membres d'RBO qui sortaient régulièrement au Dog. Mais moi j'étais pas je là. Crois, t'étais pas là. Voilà. Je veux savoir, est-ce que vous avez déjà été censuré? Est-ce qu'il y a déjà eu des sketchs qui sont jamais passés? Est-ce que vous pratiquiez l'autocensure? Autocensure, je te dirais niveau quasi zéro. Okay. Quand je dis quasi, c'est que les seuls moments où on s'est dit on passe pas telle ou telle affaire, c'est pas parce que ça nous mettait dans le trouble ou c'est pas parce que c'était de la censure, c'est parce que c'était plate. Okay. C'est-à-dire que des fois, t'as une idée de gag, puis tu dis, ben là, non, regarde, ça vaut pas la peine d'aller au bat pour ce gag-là, il est pas drôle, fait que tout bad. Fait qu'on en prend un autre. Exactement. À ce niveau-là, non. Je te dirais même que moi, quand... Puis on l'a vécu cette année avec le bye-bye, parce qu'il y a bien des gens qui se disaient, ben là, ils reviennent après 12 ans, puis ils ont des positions X un peu partout dans les médias, puis ils oseront pas rire de telle affaire parce que ça va les mettre dans le trouble. Mm-hmm. Moi, là, je m'en sac. C'est-à-dire que quand je fais ma job d'humoriste, je suis un humoriste. Fait que l'humoriste que je suis est parfaitement capable de rire d'affaires qui peuvent me compromettre, moi, en tant qu'artiste ailleurs. Exemple, Virginie. OK. Très bon exemple. On a ri de Virginie. Moi, je joue dans cette série-là. Alors oui, potentiellement, ça aurait pu me mettre dans le trouble parce que peut-être que il y a des confrères de travail qui auraient pu trouver ça pas drôle. Peut-être que Marcel Leboeuf aurait pu dire ben pourquoi tu t'es foutu de ma gueule, on est des chums. Mais non, moi dans mon esprit, je suis un humoriste et l'humoriste doit faire ça. Puis l'être humain que je suis doit endurer ce qui s'ensuit. L'humoriste que mais tu es. Je me suis pas mis dans le trouble. Ils ont parfaitement compris la séparation entre les deux. Puis je veux dire, vous avez ri aussi de Tout le monde en parle, une autre émission aussi à laquelle tu participes beaucoup. Tu sais, moi, l'autodérision, je trouve que c'est important. Ça solidifie l'image d'humoriste. Mais c'est même pas une question de solidifier. Je trouve que si t'es pas capable de rire de toi, t'as même pas le droit de rire des autres. Ça, je suis totalement d'accord. Je ris beaucoup de moi-même dans la vie. Fait que après ça, j'ai peut-être le droit de rire des autres. Et comme j'ai fait rire de moi beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais enfant, je me venge. Oh boy, c'est ben non, un gros coup de cinéma. N'importe quoi. C'est ça. Mais dis-moi, André, est-ce que Danny l'a bien pris du fait que là je fais le Dr. Evil. Là, le petit doigt dans la bouche, là, on peut pas se tromper. Est-ce que Danny l'a bien pris du fait que en le parodiant, il y a personne qui riait de ses jokes? Alors ça, écoute, c'est parce que tu sais quand on a tourné le sketch, ce bout-là, ça a été fait en montage. Hein? Ouais. C'est de la post-production. Fait, oui, il savait que La joke, c'était que Danny, le Danny que Yves faisait des jokes, mais que le monde riait pas. Mais de voir les plans, parce que au montage, c'était hyper bien fait, ça drôle en tabarnouche. Tu vois qu'il salut tentait d'aller ailleurs, le monde. Vraiment, c'est comique. Mais non, il l'a trouvé drôle, là. Oui. Il a trouvé ça chien, honnêtement. Il a dit, c'était chien, mais c'était comique. Oui, mais elle était excellente. C'était comique. Surtout quand il fallait que ce soit chien pour que ce soit comique. Mais c'est la même affaire quand on a fait. Parce que Guy était joué par Bruno. Oui. Puis sur le plateau, moi, des fois, je disais à Bruno, fais ça, parce que quand Guy fait ça, c'est comique, fais-le, puis ah non, mets-en plus. Puis là, Guy me regardait, genre, ben là, tu sais. Pas trop. Pas trop. Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé aborder au bye-bye, mais qui n'ont pas été le cas parce que manque de temps ou parce que. Ben, des fois, il y a des. Comment je peux expliquer ça? Des fois, tu passes des affaires, puis tu as une mauvaise idée. Okay. Parce que quand tu fais une émission de fin d'année, de même, il y a comme la liste de tous les sujets dont tu peux rire dans l'année, tout ça. Puis là, tu te dis, OK, ben tel sketch, on va en parler de telle façon. Pas tel sketch, mais tel sujet, on va faire tel sketch avec. Tel sujet, on va faire tel sketch. Puis là, tu l'écris, puis tu arrives au bout, puis tu fais, ah, pff, non, pas bon. Peut-être que l'exemple que j'aurais, un truc sur lequel j'ai travaillé pas mal, puis ça n'a rien donné, on voulait faire de quoi avec... tu sais, c'est Jan Wong, ce que dit Jan Wong sur les Québécois, OK? Le fait que la loi 101 rendait les Québécois violents. Puis que, elle parlait du Québec existant. Elle dit, ça continue de même, le Québec, ça va être tel genre de république. On est sectaires, nous autres. Fait qu'on voulait faire une espèce de sketch avec ces peurs-là, mélangé avec les peurs aussi qui disent que la gauche va prendre le contrôle du Québec, les syndicats empêchent tout de bouger. Puis on voulait se transposer dans le futur, puis dire, ben dans 50 ans, le Québec, ça va être telle affaire. Puis finalement, ça donnait un sketch qui était ordinaire, qu'on n'a pas tourné, puis qui ressemblait peut-être un peu trop au quatrième Reich qu'on avait déjà fait. Les Anglais dans le camp de concentration, on s'est dit, regarde, on l'a déjà fait, celle-là, fait que tout bad. C'est juste qu'on a travaillé vraiment comme des fous. On a fait je sais pas combien de versions de ce sketch-là. Puis ça n'a pas levé, ça n'a rien donné. Bon. C'est pas un remords, c'est pour la prochaine fois, on va rebondir plus fort. Ben voilà. Moi, je me demandais, parce que tantôt, on en a parlé un petit peu, mais juste pour le dire en onde comme ça, les albums d'RBO, les tunes, les musiques, ce n'est pas vous qui jouiez de la musique. Et c'est tant mieux! Et voilà! on joue de rien. Ben moi, je joue un petit peu de guitare, mais vraiment, quand je dis un petit peu, c'est un petit peu, là. OK. Moi, je suis un maniaque de guitare. Je capote sur les guitares. J'ai appris à jouer de la guitare il y a à peu près 6-7 ans. Je suis vraiment devenu un maniaque. J'en ai acheté. Et ce qui fait en sorte que j'ai plus de guitares que je connais d'accords. J'ai 4 guitares et je connais 3 accords. Ah ben c'est assez pour faire la poupée qui fait non. Ah oui, je le fais super bien. Hey, avoir su, t'aurais dû l'amener, on aurait été content d'avoir ça live. Probablement assez aussi pour faire grand champion des 3 accords. Merci d'avoir parodié Monsieur Lacroix. C'était pas mal. Oui, c'est vrai, hein? Oui, de toute beauté. Sinon, il y a une légende qui dit que Rock et Belles Oreilles, c'est beaucoup grâce à Richard Z. Sirois que c'est né. C'est un peu vrai. C'est un mélange de toutes sortes d'affaires. Regarde, on était étudiants à l'UQAM, on était étudiants ici. C'était un stage. C'était Richard et Guy qui devaient faire un stage de radio. Okay. Bon, Choc n'existait pas. Fait que à l'époque, pour faire de la radio, il fallait que tu ailles à CIBL. C'était un peu notre radio étudiante, dans le fond. Okay. Mais des étudiants de l'UQAM qui se ramassaient là. Puis Richard est un gars qui est... C'est un drôle de gars. C'est un gars qui est très... très groupie de musique puis de vedette rock, et il est devenu comme un groupie de Rock et Belles Oreilles, même en étant dedans. Puis je me souviens qu'à un moment donné, il avait dit, wow. On commençait à faire de la radio, puis il avait dit, un jour, Rock et Belles Oreilles va être dans le Billboard. Parce que pour lui, la consécration, c'était d'être dans le Billboard américain, le Billboard. Puis là, on se foutait de sa gueule, tu sais. Puis lui, il se promenait, il allait voir des journalistes avec notre dossier de presse. Puis c'était vraiment un gars qui faisait notre promotion. Il voulait vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, on s'est ramassé dans le Billboard. Américain. Oui, oui, parce qu'il y avait eu comme une espèce d'article sur l'industrie de la musique québécoise. Puis à ce moment-là, on était dans les gros vendeurs de disques au Québec. Avec Bonjour. Non, c'était avant Bonjour la police. C'était le disque. Puis il y avait, bon, il parlait de Michel Rivard, de Paul Pichet, de Richard Séguin, puis de Rock et Belles Oreilles, puis de Céline Dion dans cet article-là. Richard Séguin est arrivé, genre, les yeux exorbités, il capotait ben raide, puis il dit, je vous l'avais dit qu'on allait être dans voilà, le in your face, Colin, il avait raison, de toute beauté. Après ça, on l'a mis dehors. Non, c'est une joke. C'est une joke. En as-tu une autre, Simon? On a-tu ça ici? On a-tu des questions? Est-ce que oui, je voudrais savoir qu'est-ce que Bruno il faisait sur une photo? Là, il est dans un bain avec une pagaie, une tuque et une chemise de chasseur. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, ben ça, c'était... Attends un petit peu. C'était dans un programme souvenir de spectacle qu'on avait fait. Qu'est-ce qu'il faisait? Je pense qu'il faisait de la drogue. OK, ça, c'est le contexte de la photo. Oh, oui, je pense que oui, mais c'était avant qu'il soit dans Rock et Belles Oreilles. Parce que Rock et Belles Oreilles, ça... T'as l'air pas, hein? Non. Non. Nous autres non plus. Ah, l'ambiance vient de changer en studio. Et puis, le bye-bye, je veux dire, ça a été, selon moi, si on prend des sketchs du bye-bye et puis on les mélange avec des sketchs pris épars des vieilles années de Rock et Belles Oreilles, j'ai l'impression que... Quelqu'un, un néophyte qui en a jamais vu, ne pourrait pas reconnaître un nouveau sketch d'un vieux tellement vous avez recommencé ou vous avez laissé. Ben, je te dirais qu'on pourrait les reconnaître à la largeur des interprètes. Ouais, c'est, ouais, c'est ça. On sent que les gars ont vieilli un petit peu. Ben, mais... écoute, tu sais, moi, j'ai pas changé. Non. C'est niaiseux à dire. Puis je pense que personne de nous autres, même si parce que moi, j'entends souvent, la critique est peut-être faite plus sur Guy, parce que Guy est comme vraiment à l'avant-scène. Les gens qui disent « Ah, il a changé, il est rendu tête enflée, il est rendu... » Non, non, il était tête enflée quand je l'ai connu. Et voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours gardé une espèce de... Moi, je suis comme bien critique. J'observe beaucoup la société. J'ai toujours des critiques de la société. J'ai toujours remis en question les affaires. Puis ma job d'humoriste a beaucoup été ça, par Rock et Belles Oreilles. Puis... quand Rock et Belles Oreilles a repris pour le bye-bye, ben c'est la même vision qui est restée. Là. C'est le même filtre, André Duchamp, sur la réalité que tu avais à proposer. Puis la même affaire pour toutes les autres. Fait que pour nous autres, on s'est même jamais questionné là-dessus, à savoir, hey, on va-tu refaire les mêmes affaires? On va-tu être capable de reprendre ça? Pas de reprendre où on a laissé, mais de reprendre RBO, cet esprit-là. Ben oui, c'est important, dans notre tête, la synergie de groupe. Cet esprit-là, il a toujours existé, il a toujours été là. Fait que c'est excellent. Ça n'a pas été compliqué pour nous autres. C'est l'idée de qui, ça, le bye-bye, en fait? Radio-Canada, il y a Dominique Chaloux, qui est la directrice des variétés là-bas, qui est une femme qui a beaucoup travaillé en télévision, entre autres... En attendant, Ben Laden. Oui, c'est elle qui a amené ça à Radio-Canada. Non, mais je suis en train de chercher des shows où elle était productrice. La fin du monde est à 7 heures, excuse-moi. Oh, ça la fin a été du monde fort, est à 7 heures. Le Grand Blond, c'était elle. Donc, elle a été derrière beaucoup, beaucoup de trucs. Et c'est une femme qui prend beaucoup de risques, une femme qui aime ça essayer des affaires puis qui aime ça repousser les limites de la télé. Faut que j'y parle à elle. Elle est super le fun. Faut que j'y parle à elle. On va s'en reparler hors ronde, mon gars, c'est sûr. Et à un moment donné, elle est arrivée dans le bureau de Tout le monde en parle, où Guy puis moi, on était là, mais ça fait il y a à peu près un an. Okay. Puis elle nous a dit, hey, ce serait le fun que vous fassiez un bye-bye un jour, tu sais. Puis nous autres, au lieu de dire, hey, oublie ça, on a dit, ah, ouais, ce serait le fun, t'as raison, mais cette année, on pourrait pas. C'est genre l'année passée, ça. OK. Puis elle est revenue à charge au mois de mai passé. Puis moi, j'étais convaincu que ça allait pas se faire. J'étais sûr qu'il y en a un des quatre qui allait dire non, regarde, oublie ça, ça me tente pas. OK. Puis on s'est ramassés tout ensemble. Puis je m'attendais à ce que le meeting soit bien, bien long. Puis ça a duré à peu près 30 secondes. Puis on s'était tout le monde s'en allait dans la même direction. On le fait, ça nous tente. Tout en étant bien, bien conscient qu'en faisant ça, on avait toutes les raisons du monde de se casser ailleurs. Puis, ouais, comme les bébés qui ont fait un retour, risqué, mettons. C'est toujours risqué quand tu reviens. Puis c'est même pas de dire est-ce que tu vas être capable de faire la job. Ça va être est-ce que la perception que les gens ont de toi a changé. Tu sais, parce que souvent, puis ça, c'est tous les artistes vivent ça. Tu dis, garde, moi, je pense que je suis aussi bon que j'étais ou je suis meilleur que j'étais parce que j'ai progressé. Puis le monde qui regarde ça, il dit, ah non, c'était bien meilleur la première fois. Écoute, il y a du monde qui disent qu'on était meilleur à CIBL qu'à Star. Ils avaient le droit de penser ça. Tu as parlé de Paul Piché ou Pierre Flynn tantôt. C'est deux, avant, c'est ça, c'est deux gars que peu importe ce qu'ils vont faire. Ben meilleur. Non, mais c'est vrai pour n'importe quel groupe de musique, souvent. L'album que t'aimes le mieux, c'est le premier que t'entends. Metallica. Voilà un autre excellent exemple. Est-ce que tu notes que cet exemple-là, par exemple, à chaque fois, t'arrives Metallica. Oui. Connais-tu d'autres groupes? Oui, bien sûr. Parce que c'est toi qui poses la question. Non, mais je peux répondre aussi. Guns N' Roses, okay. Slayer. Ça va bien. Est-ce que le bye-bye, si la dynamique a bien été, si Madame Chalifou est contente? Chalou, pardon. Si tu l'appelles Chalifou, t'as pas de chance. Ouais, c'est vrai. Ça vient d'un de vos sketchs, en fait. Chalifou. Nancy Chalifou. Oui, t'as raison. Ouais, c'est ça. Non, anyhow. Il va-tu en avoir d'autres? Est-ce qu'on peut s'attendre à la fin de l'année prochaine d'avoir un autre bye-bye? Moi, je pense qu'il va y avoir d'autres bye-bye. Ça ne veut pas dire que c'est nous autres qui vont les faire. Que ça va être RBO qui va les faire. C'est nous autres qui vont les faire. Regarde, on n'est vraiment pas là présentement. On ne s'en est même pas parlé. On ne s'est pas vu depuis qu'on l'a visionné ensemble le 31 au soir. On va se faire un petit souper un moment donné, puis on va se reparler de comment ça a été, puis tout ça. Puis, à savoir, premièrement, il faudrait qu'on nous l'offre. Ce qui n'est pas fait encore. Okay. J'imagine que les gens de Radio-Canada vont regarder ça. Puis deuxièmement, faudrait que... C'est parce que ça prend un timing hallucinant pour qu'on soit tous les quatre disponibles en même temps pour faire avoir la motivation. Ben, la motivation, c'est une affaire, mais c'est surtout la disponibilité. C'est niaiseux à dire. T'sais, si moi, je me retrouve en train de travailler sur quelque chose qui est bien important pour ma carrière à moi, puis que ça tombe dans un moment où on devrait faire un bye-bye. Déjà, cette année, moi, ça a été difficile parce que je montais la comédie musicale Les 7 avec Sylvain Cossette en même temps. Oui, effectivement. Puis, il a fallu vraiment que, écoute, j'ai travaillé comme un Christy de fou. Okay. Et je ne referais pas ça deux fois. Je ne referais pas ça de cette façon-là. Le même horaire. Okay. Non, ça, c'est sûr. Fait que peut-être que quelqu'un d'autre va être, tu sais, Yves Pelletier va peut-être être en train de tourner un film, mais s'il tourne un film, son film va passer avant RBO, ça cancel, c'est sûr. Ouais. Fait qu'on le sait pas. Fait que, une petite nouvelle rapide, Simon, avant qu'on écoute la marde audio de la semaine. Ouais, qu'est-ce qu'il y a avec Metallica? André veut savoir. Ils font un retour, ils font le prochain bye-bye. All right. Non. Est-ce que j'ai des nouvelles ici? Tu me prends là comme ça. Au début, on va écouter la marde audio de la semaine d'abord. Vous allez voir, ça parle de Jésus. Ça fait un petit lien avec ce qu'on vient d'écouter, l'extrait où, en fait, de Deadly Prey. Vous allez voir, je l'adore cette tune-là. On a acheté ça au BC, moi puis mon frère, quand on est allé faire un tour là-bas. De toute beauté. On vous laisse avec Take Me Down to the Battle. C'est pas bon, là. Ah, puis on va revenir à 70%. Vous en avez assez d'avoir à vous faire une idée par vous-même? Vous en avez assez de devoir filtrer vous-même la quantité incroyable d'informations que le monde moderne vous offre? Faites-nous confiance. On travaille pour que vous n'ayez pas à réfléchir. Ouvrez grand, avalez. Un message de l'Ordre des publicitaires du Québec. Et Et voilà, on est de retour en studio ici avec André Ducharme de RBO et Simon-Pierre Bilodeau, vedette montante de l'univers de diffusion québécois. Ce qui est, en fait, là, j'essaie d'étirer le temps parce que je suis pogné un petit peu au débrébu. Là, on va retarder, on va reculer un petit peu notre dernier volet de questions parce qu'il nous reste encore 15 minutes avec notre invité magique. Ce que je vais faire, c'est partir notre trame sonore. C'est le moment du comique de la semaine à 70%. Simon-Pierre, s'il te plaît. Oui, le comique cette semaine, c'est M. Dinesh D'Souza. M. D'Souza, il est né le 25 avril 61 à Mumbai, en Inde. C'est, ce monsieur, c'est un auteur néoconservateur qui est fellow de l'Institut Hoover de l'Université Stanford. M. D'Souza a également été analyste politique senior à l'âge tendre de 26 ans. Moi, j'aime ça quand tu nous les montres sur un haut piédestal, ça tombe de plus haut après. Analyste politique senior à 26 ans. Ah, okay. C'est fort. Hein? Bon, à la Maison-Blanche sous Reagan de 87 à 88. Alors, M. D'Souza, lui, il a comme... penser que l'être humain est intrinsèquement bon et que par conséquent les conflits mondiaux sont le fruit de terribles malentendus et qu'ils peuvent et doivent être réglés par le dialogue et la médiation. Donc, il est analyste sous Reagan. Plein de belles intentions. En plus. Ça marche pas, son affaire, il est pas dans bonne gang. Ouais, il ne nous a pas donné son avis sur l'Irak non plus. Mais bon, M. D'Souza, qui est un homme intrinsèquement bon, est contre les programmes sociaux, évidemment. Alors, extrait d'un éditorial paru sous sa plume le 29 juin de 2003 dans le San Francisco Chronicle. C'est une traduction libre, là. C'est moi qui l'ai traduit. Bon. Les nouveaux arrivants aux États-Unis sont abasourdis par les agréments dont peuvent jouir les Américains vivant sous le seuil de la pauvreté. Ce fait fut exacerbé dans les années 80 quand CBS a diffusé un documentaire qui s'appelait People Like Us, qui décrivait la misère des pauvres pendant la récession de 82 à l'époque. Alors les Soviétiques, ils ont également diffusé ce documentaire-là afin d'embarrasser le gouvernement Reagan. Mais ça a eu l'effet inverse selon des leaders soviétiques parce que le Russe moyen a pu voir que les pauvres aux États-Unis ont des téléviseurs, des fours à micro-ondes et des automobiles. J'aimerais rappeler notre comique de la semaine passée, M. Carl Kent, qui chassait des sans-abri De la place où il faisait chaud. Une évacuation qui leur permettait de se réchauffer. Ils ont peut-être pas la même définition de pauvreté que nous. Alors, M. D'Souza, qui est un pro-vie, est également contre le mélange des genres dans les écoles. Ben voyons donc. Tu veux dire les écoles gars et les écoles filles. C'est ça, il est pas pour les mélanges. Bon. Y compris à l'université. D'Souza... D'Souza a écrit en mars 84 un article au sujet d'une étudiante finissante qui, contre la volonté de sa mère, a eu des relations sexuelles avec un autre étudiant. D'Souza a alors levé le voile sur les détails de la vie intime et sexuelle de la jeune étudiante et, lorsque le scandale éclata dans le New York Times, parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça, il a expliqué que la divulgation de l'identité de la dite étudiante était dû à une proof reading error. Je sais pas si tu peux traduire ça. OK, il a lu la preuve et il y a eu une erreur. Proof reading, c'est erreur de correction. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il a une erreur. C'est pas le bon nom. Ben, c'était le bon nom, mais il pensait pas que c'était le bon nom, puis ça n'a pas été corrigé. Finalement, le nom est sorti, mais c'était pas supposé être ça. C'est ça. Je voulais l'enlever. La chose à même, là. Divulguer contre la volonté de tous, mettons. Ben oui, c'est ça. Okay. Je voulais l'enlever, mais je ne l'ai pas fait. Okay. C'est ça. Il a également dit que la situation de la demoiselle le préoccupait et que c'était pour cela qu'il avait écrit l'éditorial. OK. Okay. De plus, D'Souza est un virulent critique du féminisme, des droits des gays, des cours d'éducation sexuelle à l'école ainsi que de l'avortement. Il a par ailleurs fait un lien entre ces mouvements-là, qui dit de gauche, et l'attitude anti-américaine que l'on retrouve dans le monde. Alors, je cite, « La culture de gauche en Amérique est responsable des attentats du 11 septembre. Cette C'est culture sûr. Et ses alliés au Congrès, dans les médias, à Hollywood, les organisations à but non lucratif, ainsi que les universités sont les causes premières du volcan de haine qui est en éruption dans le monde musulman. » Alors lui, c'est un homme. Voyons donc, c'est un homme intrinsèquement bon. Ça manque un coup de pelle en pleine face. Le monsieur du cabinet Reagan, qui est donc en faveur de la guerre en Irak, cet homme intrinsèquement bon, qui a dit que les problèmes devraient se régler par le dialogue. Je laisse réfléchir, mais je poursuis quand même. Dans les années 90, il a fait paraître un livre qui s'appelait « The End of Racism », où il mettait les problèmes des Afro-Américains sur le compte non pas du racisme, mais de la gauche. Ben voyons donc! Par gauche, il entend Madame Hillary Clinton, Ted Kennedy, Nancy Pelosi, Noam Chomsky, Chomsky, oui, c'est alors, de sa faute si on s'aime pas. Oui. Monsieur de Souza croit que le racisme institutionnalisé n'existe pas aux États-Unis, surtout pas en Alabama, ni au Mississippi, ni au Texas, ni au Texas, condamné sur 10 à mort. Ben, ni en Géorgie, où il y a un membre du Ku Klux Klan avoué qui est en fait en train de runner pour avoir une place au Congrès. Alors, on parlera pas de l'attitude du gouvernement Bush suite au passage de Katrina, ni de l'affaire Rodney King, mais bon, ça nous a aidé, ça. Ce monsieur-là, il habite Fairbanks Ranch. C'est une riche communauté californienne protégée par des gardes et barrières, une espèce de ville privée, et possède sa propre maison avec un beau garage quadruple. Bon, on vient au cœur du sujet. Ça un beau, là. On vient au cœur du sujet. Checkez bien ça. Lors de son passage à ma très préférée émission de Colbert Report, il a expliqué que les démocrates étaient responsables des attentats du World Trade Center sous la gouverne du président Carter aux États-Unis, ils ont laissé le Shah d'Iran se faire expulser. Okay. Et c'est les gardes de la révolution islamique qui ont pris le pouvoir. Okay. Et puis, c'est à cause de ça qu'il y a des attentats maintenant. Le lien est très facile à faire. Stephen Colbert en a rajouté. À la blague, il a suggéré que les politiques de sécurité sociale et du New Deal de Franklin D. Roosevelt ont permis aux États-Unis, c'est des politiques qui ont permis aux États-Unis de se sortir de la Grande Dépression. La Dépression. Qu'il est également en cause dans les attentats du World Trade Center. De Souza, il ne s'est pas rendu compte que c'était un sarcasme. Il a dit bien sûr. Il a dit ben oui. Il a renchéri en répondant par l'affirmative. Il a dit oui, en effet, Roosevelt a laissé l'Union soviétique s'emparer de l'Europe de l'Est via le traité de Yalta et que cela a pavé la voie à l'invasion de l'Afghanistan, ce qui a eu pour conséquence de faire monter l'influence des Moudjahidines dans son territoire et finalement l'accession des talibans au pouvoir. Puis il est arrivé. C'est un homme bon et intrinsèquement pour la discussion et le dialogue. Monsieur de Souza, c'est en plein genre la personne avec qui l'humanité a envie de dialoguer lorsque vient le temps de régler de bonne foi les conflits qui tuent des vies humaines. Est-ce qu'on est au moment où on le consacre comme comique de la semaine pour toutes pour ces raisons? Monsieur, vas-y, je te laisse pour aller. Pour toutes ces raisons, monsieur de Souza, vous êtes le comique de la semaine. Mérité amplement. Tout à fait. Un très beau, ce qui nous amène, je vais mettre notre petite trame sonore de fond, ça c'est le thème de Carnov au Nintendo 1986, version remake. On est au dernier bloc de questions. Le bloc de questions, je te laisse le présenter. Simon, ça va être le tien, celle-là. Oui, André, on sait que les moquettes coquettes sont passées à Tout le monde en parle. Oui. Fait que nous autres, c'est le bloc de questions, quand est-ce qu'on passe à Tout le monde en parle? Okay. Voilà. Alors, par souci de journaliste, il faut faire le tour de la question. Alors, il faut répondre à, enfin, où est-ce qu'on va passer à Tout le monde en parle? Combien de fois on va passer à Tout le monde en parle? Uh-huh. Qui est-ce qui va être à Tout le monde en parle? En même temps? Oui, c'est ça. Et finalement, qu'est-ce que Tout le monde en parle? Faut que je réponde à tout ça? Ouais, commence par le où, tiens. Où? Ben, où, ça va être à... Garde, on pourrait faire un deal. On pourrait exceptionnellement enregistrer ailleurs et vous inviter à l'endroit où on n'est pas. Aïe, on est en train de planifier quelque chose à long terme, là. C'est fort, ça. Ouais. Et puis, c'est quand que vous enregistrez Tout le monde en parle? Pour vrai, là? Ben là, on est des journalistes professionnels, nous autres, on fait où, quand, comment? OK, c'est le jeudi. Bon, OK, c'était smooth. On a enregistré hier. Ah, je pourrais pas jouer au hockey cette journée-là, c'est pas possible. Et comme on a enregistré hier, malheureusement, ben c'est ça. Ben, ils pourront venir faire ça à l'UQAM. Ouais, exceptionnellement. En direct du stade de hockey Cossum de l'UQAM. Pourquoi tu brosses tes papiers? Mais c'est pas de même, ça marche, hein, parce que il faut, c'est comme un flambeau qu'on se transmet. Alors nous, on a invité les Moquettes Coquettes. Alors les Moquettes Coquettes devraient vous inviter. Comme ça que... Ah, mais je suis moi, je sais pas. Check les qui se déresponsabilise. Non, tu te sauveras pas. J'ai mon là gars. Un numéro si vous le voulez. Ben, on travaillera là-dessus peut-être. Mais sinon, pourquoi Rock et Belles Oreilles? On connaît ça, c'est les gars, tu vois, il y a du monde en arrière, là. C'est des fans qui sont là pour venir te regarder. Là. Ben, eux autres, ils nous ont passé cette question-là. C'est à cause du petit chien. Le bleu, là? Oui. Rock et Belles Oreilles. Pis c'est tout. Oui, c'est tout. C'est parce que moi, j'ai toujours trouvé bien ordinaire cette anecdote-là. Mais je vais la raconter pareil. Ouais, je comprends. Alors, le petit chien s'appelait Rock et Belles Oreilles. Puis quand on a fait la radio pour la première fois, c'est une émission où il y avait à la fois de l'humour et à la fois une espèce de il y avait des fausses chroniques sur le rock. On faisait jouer de la musique rock qui jouait pas ailleurs parce que dans ce temps-là... Comme du Metallica. Non. Il n'y avait pas de comic la semaine non plus. Non, ben un peu. Ça pouvait ressembler à ça. Donc, c'était le rock de A à Z avec Guillaume Lepage et Richard Z. Zerouache. Ça s'appelait Rock et Belles Oreilles. Puis à un moment donné, on s'est tout regardé pour se dire s'il est un peu poche ce nom-là, faudrait le changer. Puis je pense que c'est Richard qui a dit ben on peut pas parce qu'on est connu à la star, parce qu'il y avait peut-être 40 20. Personnes qui nous connaissaient. Ben là, écoute, c'est une superstar. Il faut commencer quelque part. Bon, c'est ça. On est rendu là, nous. Il visait encore le Billboard dans ce temps-là. Ben, c'est fou. On est rendu à au moins 50. Mais vous êtes pogné avec ce nom-là. Ben, 70%, j'aime ça. C'est une façon de vivre. Ben, c'est ce que je pense. Ouais, ouais, wow. C'est fort, ça. Ben, il en restait peut-être une autre, là. C'est quand on passe à Tout le monde en parle? Il en parle. Il pense. Non, c'est... On n'est pas têteux. À vous non. de répondre. OK. Il y a un coup qu'on va avoir dominé le monde. Ben, c'est sinon, André, je te laisse présenter la bonne chanson que tu nous as amenée ici ce soir. Ouais, il fallait que j'apporte une bonne chanson. Ben oui. Écoute, c'est un disque que j'ai découvert un peu par hasard en surfant sur Internet, puis je suis tombé sur des sites où il y avait une chronique de ce disque-là que ça valait bien bon. Moi, je suis un gros maniaque de musique pop, rock, années 60, là, la vraie bubble musique. Bubblegum. C'est pas Bubblegum, je veux dire, Beatles, c'est pas Bubblegum, là, c'est... Ouais, vers la fin, non. Ben, pour vous autres, avant, Love, là, Love mais... Me, Love Please, Please, Love, ouais, Love. Ouais, mais hey, c'était révolutionnaire dans ce temps-là. Ouais, c'est sûr. Les autres tunes qui jouaient étaient bien pire que ça. Et donc, moi, je suis un gros fan du British rock, puis tout ça. Puis ça, c'est deux Américains, un gars qui s'appelle Matthew Sweet et Susanna Hoffs, qui est la chanteuse des Bengals. Ils sont mis ensemble. Like an Egyptian. Exactement. Ils sont mis ensemble, puis ils ont fait comme c'est des remakes de chansons des années 60, mais pas juste des chansons connues, comme celle que j'ai choisie qui s'appelle I See the Rain. C'est comme une tune qui a été à peine connue, puis qui n'a pas été retenue par l'histoire, mais Jimi Hendrix avait dit en 1967 que c'était sa tune préférée cette année-là. Oh! Ouais, il y a tout ça. Fait qu'on écoute ça, puis on vous revient pour la finale de l'émission à 70%. Ici André Ducharme, et on m'a demandé de prendre la voix du père de la famille d'autrefois, qui n'a pas de nom. Alors, c'est le père de la famille d'autrefois. Ah ben, c'est le père de la famille d'autrefois. Vous écoutez 70% avec votre animateur, là. Il est où, lui, là? Le chien, là, ils ont probablement mangé. Excellent. Merci beaucoup. J'ai écrit un texte avant, tu veux écrit ici 70%. Bon André, André, as-tu un conseil pour nous cette semaine? Écoute, le plus beau conseil que j'ai entendu, c'est Marc Labrèche qui le donnait, mais il y en a un vrai qu'on vient de me donner. Fait que je vais me fermer à gueule, moi lire la feuille qu'on m'a donnée. Alors, attends une minute. C'est quoi cette niaiserie-là? C'est la loi du rasoir d'Enlin. C'est quoi ça? C'est ce qui suit. Oui, je sais, mais c'est quoi le rasoir d'Enlin? Je sais pas, mais ça rentre dans les lois des lois de Murphy. OK, c'est alors, la loi de le conseil de la semaine, la loi de la rasoir d'Enlin. Il ne faut jamais attribuer à la malice ce qui peut être adéquatement expliqué par la stupidité. Et celui de Marc Labrèche était toujours « Mettez pas votre doigt dans votre péteux ». C'était Marc Labrèche qui disait ça en finissant son émission de radio. Alors les enfants, mettez pas votre doigt dans... C'est pas mal fort. C'est deux bons conseils. Suivez l'un comme l'autre. Voilà. André Ducharme, merci beaucoup de votre passage à l'émission. C'était un honneur, ainsi que les portes sont ouvertes tous les vendredis soirs de 18h à 19h. T'amèneras ta guitare, c'est comme ça tu vas nous donner encore du... T'es-tu malade? Et voilà, il vient nous dire oui, live en studio, André Ducharme. J'ai pas entendu ça, moi. Simon-Pierre, merci encore une fois, un plaisir. Ça fait plaisir, Tommy. Et puis, la semaine prochaine, c'est quoi? Ça devrait être Mike Ward? Peut-être. Ah, on verra. Gars, lui, c'est pas une de mes idoles, tu vois. Tu t'arranges avec. Donc, merci tout le monde. C'était 70%. On vous repogne la semaine prochaine. Faites attention aux machines. Puis, mettez pas votre doigt dans votre rasoir d'Enlin. Exactement. Non, jouez pas avec votre manger non plus. Ah, tiens. Puis, pourtant, écoutez la game des Canadiens demain. Oui. Bon. Elle est à Metz, dimanche. Tu es fort, tout le monde s'est mis d'accord. Tu es le prince des bois. Wouh! Tu es grand, tu es fort, tout le monde s'est mis d'accord. Tu es le prince des bois. Pour moi, Arthur le coureur des bois, la forêt c'est mon paradis. Et tous les animaux qui y vivent sont mes amis. Même ceux qui vivent dans l'eau. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Un petit bourdon tombe sur l'eau. Un petit bourdon tombe sur l'eau. Attrape le moucheron. Lave le tout rond. Dans son petit bedon. Un petit moucheron, c'est tellement bon.